ça se passe. Laisse la place, de naguer deux balles, trois fois plus efficace. J'arrive encore, au mic, au map, tu kills ceux qui font de l'ombre à mon délire. J'ai si blasé, blasé, blasé, blasé, blasé. Ton blablabla je l'ai cerné. C'est ça pour le hip hop, qui j'en pop au top. Tandis que mes potes niquent la pop et la smoke, non stop, yo bla bla bla. Quand j'avance et tire dans le tas, ma bouche crache des balles contre l'ennemi qui se dresse devant moi. C'est à ton tour, yo, j'avance sur ce beat lourd. Mon intelligence décrit les vices du système qui m'entoure. Écarte-toi, gars. J'arrive et crache le feu. Je brûle tous mes ennemis, les plus haineux. Tiré dans l'embarras, le 3 aménager son escadron. Ayo, ma donna qu'est-ce qu'à dire, aujourd'hui poursuit son ascension. Notre album est sorti et le larron très bas. Ayo, à l'heure qu'il est, tu sais qui est trois fois plus que rien. Du vécu, je représente ma famille et ceux de la rue. Poussif et tous ces frères qui sont tout plein d'imprévus. Toujours dingue, dingue, dingue, dingue. Le reste qu'on flingue. Le 3 mm est sorti et les watts pas train. Reste nage, je suis un large, je suis du gars génial. Laisse-moi te conter l'histoire du 3 fois plus efficace. Deux fois, 2 BAL, niggas, shoot pour le M à 3. Nous restons 3 fois plus efficaces. Les pompeurs tentent, mais nos attitudes restent de glace. Deux fois, 2 BAL, niggas, shoot pour le M à 3. Nous restons 3 fois plus efficaces. Les pompeurs tentent, mais nos attitudes restent de glace. Entrez bien dans les profondeurs de votre cœur. Entendez chanter les vagues de la vie. Yeah, yeah, yeah. Si l'existence te danse, casse l'atmosphère de glace, change le climat. Bonne école, bonne instruction. Champion sans. Maintenant mets ton corps en action. Sakata, sakata. La technique reste 3. J'enseigne parle pour le peuple et pour tous ceux qui pensent 3. Crac et arrache. C'est plein de dialectes de ma bouche. Croque les teignes. Et te donner quand tu te chuches. Noir et la tête, le top de la sélecte Nbelectia. Perfect direct, c'est chez la loi des nègres maîtria. Bondi c'est ta fête, flac les deux balles, vain correcta. J'suis handy, comme Fonda Black and Intellecta. Je ferai comprendre fermement à l'ennemi sa disgrâce. Car j'aurai les flotteurs de la mort. Et c'est deux d'heure et tenace. Deux fois, trois fois, le BAL, niggas, shoot pour le M à 3. Nous restons 3 fois plus efficaces. Les pompeurs tentent, mais nos attitudes restent de glace. Deux fois, trois fois, le BAL, niggas, shoot pour le M à 3. Nous restons 3 fois plus efficaces. Les pompeurs tentent, mais nos attitudes restent de glace. J'entends crier, souffrir. Le peuple affolé, le diable a jeté une cataracte de négativité. Y'a de bons gars et des malfrats, mais Dieu seul jugera. Mes meilleurs soldats à l'intérieur de mon cheval de 3. Trois fois plus rapace. Tant d'années de combativité pour revêtir la place. Certains pensent que le rap ne vaut pas une charade explicite. Noir et sincère au rythme d'Akaba dans la chamade. Émulation parfois bidonne, fatiguée par des rumeurs connes. L'arrêt articule dans la gorge des consonnes. Anti-coldon dans le fish bonson. Sa crustée sur H que suscite parfois des menaces. Combien sont-ils à avoir quitté l'équipage? Les barbares à garde prennent mon vaisseau à l'abordage. Beaucoup tombent à l'eau, se noient, puis se referment les tentacules du ménage à 3. Deux fois, trois fois, 2 BAL, niggas, shoot pour le M à 3. Nous restons 3 fois plus efficaces, les pompeurs tentent, mais nos attitudes restent de glace. Deux fois, trois fois, 2 BAL, niggas, shoot pour le M à 3. Nous restons 3 fois plus efficaces, les pompeurs tentent, mais nos attitudes restent de glace. Deux fois, trois fois, 2 BAL, niggas, shoot pour le M à 3. Nous restons 3 fois plus efficaces. Les pompeurs tentent, mais nos attitudes restent de glace. Une fois, deux fois, trois fois, 2 BAL, niggas, shoot pour le M à 3. Nous restons 3 fois plus efficaces.